C'est le moment de la chronique technologie de l'information. On a notre chroniqueur Raymond Poirier avec nous. Bonjour Raymond. Bonjour Michael. Et Raymond, aujourd'hui, tu ne viens pas seul. Exactement. En fait, du côté de l'Université Laval à l'Institut de technologie de l'information et société, il y a une activité qui se prépare pour vendredi de cette semaine qui s'appelle Carrefour numérique, innovation, territoire et créativité. Donc, c'est présenté en avant-midi, 8h30 à 12h30 sur le campus. Et bien, question de mettre un peu la table sur l'événement, on s'est dit que ça ferait peut-être une belle excuse pour justement échanger sur la thématique de l'innovation à Québec et au Québec. Et pour ce faire, j'ai convié l'une des conférencières de cette matinée. Elle est professeure au département de management de la Faculté des sciences de l'administration de l'Université Laval, spécialiste de l'entrepreneuriat technologique et international. Elle est avec nous au bout du fil. Sophie Veilleux, bonjour. Bonjour. Et puisque justement on parle d'innovation, on parle d'entrepreneuriat, j'ai envie peut-être de commencer en faisant le pont avec des annonces qui ont été effectuées la semaine dernière par le gouvernement du Québec. Le programme des Gazelles qui a été remplacé par un programme nommé Perform, donc des programmes d'appui évidemment aux PME dans les deux cas. Est-ce que c'est deux programmes, deux fois le même objectif, un copier-coller ou des visées assez différentes de l'un à l'autre? En fait, les objectifs demeurent les mêmes. Donc, aider nos entreprises à croître et à être de plus en plus présentes sur les marchés étrangers. Donc, on sait qu'on est dans un contexte international où, pour se démarquer, nos entreprises doivent innover. Donc, la meilleure façon pour nos entreprises québécoises de croître est d'offrir des produits qui ne sont pas disponibles sur les autres marchés. Alors, tout ça passe bien sûr par l'innovation, qui est un des grands critères du programme de performance qui a été annoncé la semaine dernière. Et bien sûr, en innovant, en offrant des choses extraordinaires et uniques, on est en mesure de pouvoir les exporter sur les marchés étrangers, d'où le deuxième objectif qui est d'aider justement ces entreprises-là qui ont des objectifs de croissance, de vente, d'investissement à l'étranger à pouvoir atteindre leurs objectifs. Donc, du point de vue des objectifs, tout ça se ressemble. Ces deux programmes-là se ressemblent bien. C'est du point de vue des critères de sélection des entreprises, là où d'un programme à l'autre, là, il y a eu quelques différences qui ont été modifiées. Oui, parce que si je me trompe pas, en fait, le ministre de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations, Jacques Daou, avait mentionné que l'ancien programme, les Gazelles, il ne l'aimait pas parce qu'il trouvait que l'État se retrouvait au service des entreprises, alors que selon lui, ça aurait dû être l'inverse. Donc, j'imagine que le nouveau programme rectifie un peu ce rapport, cette relation-là. En fait, c'est pas clairement énoncé. Ce qui est plus vu, c'est du point de vue des entreprises, qu'est-ce qu'on veut qu'elles fassent de plus. Et c'est certain que lorsqu'on a des entreprises qui innovent davantage, donc qui ont justement des investissements supérieurs en recherche et développement et qui ont des projets de diversifier leur marché géographique, alors à ce moment-là, c'est certain que ces entreprises-là vont croître, vont faire plus de ventes, donc risque de payer plus d'impôts. Donc, effectivement, ça peut être au service du gouvernement. On peut voir le lien qui se fait. Donc, c'est vraiment de supporter la croissance des entreprises dans ce sens-là. Et des programmes comme ça fait un bout de temps qu'il y en a justement qui sont mis en place. J'imagine que c'est des atouts essentiels et c'est une participation nécessaire du gouvernement pour encourager le développement d'entreprises ici qu'on pourrait pas faire sans, comme on dit. Oui, c'est important parce que on se bat dans une concurrence internationale avec d'autres pays qui ont en place ce type de mesures-là. Donc, c'est important pour que nos entreprises aussi puissent être fortes lorsqu'elles arrivent sur les marchés étrangers, qu'elles se sentent appuyées, puis qu'elles aient les moyens, justement, de s'ouvrir aux autres marchés. Donc, que ce soit les moyens financiers, mais aussi du point de vue des connaissances, des compétences en exportation, c'est important. On pense aussi aux appuis des bureaux gouvernementaux. On sait qu'en Europe, les entreprises là-bas ont vraiment un appui très fort des gouvernements lorsqu'elles veulent aller sur les marchés étrangers. Leurs représentants gouvernementaux sont très actifs pour les aider. Alors là, c'est sûr que nos entreprises d'ici, elles ont besoin aussi d'un bon coup de main pour pouvoir se battre contre leurs compétiteurs étrangers. Mais justement, sur quel coup de main les entreprises vont-elles pouvoir compter pour innover et présenter des nouveaux produits ou des nouvelles façons de faire? En fait, tous les incitatifs fiscaux à la recherche et au développement sont intéressants. Il y a aussi toutes les initiatives qui vise à supporter les partenariats entre les entreprises et les centres de recherche, qu'ils soient gouvernementaux, universitaires ou les centres collégiaux de transfert. Il ne faut pas oublier, là, c'est vraiment des acteurs importants en innovation. Bien, tout ça, ça favorise l'innovation au sein de l'entreprise. Donc, l'innovation peut se faire, bien sûr, en entreprise, mais les entreprises peuvent aussi bénéficier de ce qui est développé dans les universités, dans les centres collégiaux de transfert, dans les organismes de recherche. Mais pour ça, faut que à la fois les acteurs en recherche et ceux dans les entreprises se parlent. Et dans l'actualité également, la semaine passée, on a eu un bel exemple avec la Faculté des sciences et génie de l'Université Laval qui a annoncé et qui a maintenant de disponible ce qu'elle appelle son lab en ligne et son incubateur Exgenius qui permettent justement aux chercheurs de la Faculté des sciences et génie d'être en interface avec les entreprises et d'un autre côté des entreprises de la région de pouvoir avoir accès plus facilement aux recherches qui sont diffusées à l'université, mais également aux appareils, parce qu'on sait que les chercheurs ont des équipements qui valent très cher, de très haute qualité, mais qu'ils n'utilisent pas nécessairement à temps plein. Quand un projet est fini ou entre deux expériences, ben ces équipements-là font rien. Puis d'un autre côté, les entreprises, surtout celles en démarrage, n'ont pas nécessairement les moyens d'acheter ces équipements-là. Puis, si elles ont les moyens, bien, des fois, elles se demandent pourquoi les acheter alors qu'elles en ont besoin seulement à très court terme, pour une très courte durée. Donc, une plateforme comme ça peut bénéficier à la fois à la recherche plus en amont, donc celle qui se fait dans les universités, mais aussi à celle des entreprises où là, il va y avoir un bénéfice des deux côtés où les entreprises vont pouvoir bénéficier des équipements, aussi de l'utilisation des équipements. Donc ça, c'est le type d'initiative qui est particulièrement intéressante pour stimuler l'innovation dans la région. Puis on voit d'ailleurs avec les acteurs qui ont appuyé ces projets-là, là, que ce soit la Chambre de commerce ou le Parc technologique du Québec métropolitain. Donc vraiment, on voit que lorsque tous les acteurs du milieu collaborent à mettre en place des initiatives comme ça, mais ça va aider nos entreprises à être plus fortes puis à mieux performer. J'imagine effectivement qu'une clé, ça vient un peu l'organisation d'un réseau, l'organisation d'un secteur de force, et que dans une certaine mesure même, des initiatives similaires ont pu être faites pour mettre en place, exemple, le réseau de l'optique photonique, qui est très fort au Québec, qui est devenu un des secteurs incontournables, et j'imagine qu'il s'est bâti justement à travers une collaboration, à travers ce type de continuum-là. Bien, en fait, c'est un très bon exemple. Donc, on voit, c'est ce que le gouvernement du Québec avait appelé les créneaux à corps. Donc, il y a plusieurs créneaux à corps qui avaient été mis en place dans la région en fonction des forces vives de chacune des régions. Et puis, ici à Québec, effectivement, on avait l'optique photonique. Et au sein de l'optique photonique, s'est fait un groupe qu'on appelle le CIOP. Donc, c'est le Cercle de l'industrie d'optique photonique où, là, les entrepreneurs collaborent ensemble et partagent leurs expériences, se dotent de formations pour les aider. Donc, c'est eux qui choisissent les thématiques des formations qui les intéressent pour mieux performer. Et ce type d'initiative-là a des effets très concrets dans des industries niches comme ça où à peu près tous les joueurs finissent par se connaître, même à l'échelle internationale. Parce que l'entreprise, quand elle va, mettons, démontrer ses projets, ses produits, ses technologies dans une foire internationale, bien, souvent, elle se va dire, « Ah, tu viens du Québec? J'ai entendu dire aussi qu'il y avait une autre entreprise qui faisait tel type de produit. T'as connais-tu? Est-ce que tu pourrais nous mettre en contact? » Alors là, les entrepreneurs de la région deviennent aussi des ambassadeurs pour les autres entreprises de la région. Et c'est pour ça que quand on travaille ensemble comme ça en collaboration, on gagne à se faire connaître. Il y a toute une mouvance présentement qui est sur la promotion des clusters, des pôles technologiques en fonction des différentes industries pour que les régions puissent se faire reconnaître par leur excellence à l'échelle internationale dans un domaine précis. Puis c'est comme ça qu'on espère attirer des investisseurs étrangers ou gagner de la crédibilité aux yeux des clients potentiels pour nos industries. Donc, on a toujours dans la volée des nouvelles qu'on a ces derniers jours, on a le gouvernement fédéral avec son programme Canada en tête qui vise justement à mettre l'intérêt économique de l'ensemble des grandes villes du pays pour justement faire la promotion. Donc, quand on a des représentants d'une région qui va à l'international, ben qu'ils puissent aussi pister les autres pays vers les forces du reste du Canada. Donc, comme ça, on maximise la visibilité qu'on peut avoir pour justement faire reconnaître nos villes, nos régions, notre pays, comme un lieu où le savoir est fort, où la technologie est de haute qualité. Et j'imagine en parallèle, Sophie Veilleux, l'idée aussi en recherche, quand on parle de recherche autour justement de questions entrepreneuriales, par exemple, de questions d'innovation, c'est de voir justement ces programmes-là, de voir les entreprises qui se développent, les créneaux, les secteurs de force qui se développent à l'intérieur de ça, voir, j'imagine, les bons coups qui ont été faits, essayer de trouver à partir de ces analyses-là des pistes de solutions pour voir ce qui fonctionne, pour voir comment amener les entreprises à faire davantage, éviter qu'ils répètent les erreurs qui ont été faites dans le passé. C'est exactement ça. Donc, quand on fait de la recherche sur l'entrepreneuriat, sur l'internationalisation de nos entreprises, c'est ce qu'on va essayer de voir. Donc, on regarde qu'est-ce que la théorie dit que les entreprises devraient faire, qu'est-ce qu'elles font pour vrai, et on compare dans un secteur donné les entreprises qui réussissent très, très bien à la théorie, bien sûr, mais à celles qui sont en démarrage pour pouvoir les conseiller sur ce qu'elles devraient faire pour pouvoir bien performer comme les autres entreprises de leur propre secteur. Parce que ce qui est valide pour un domaine comme l'optique photonique n'est pas nécessairement 100% transposable pour des entreprises dans le secteur du bois, par exemple. Donc, c'est pour ça qu'il faut connaître les grandes lignes, des bons coups, des meilleures pratiques en internationalisation, mais aussi de voir dans chacun des secteurs qu'est-ce qui vient faire la différence entre une entreprise qui performe vraiment bien de celle qui a plus de difficultés sur les marchés étrangers. Et quand on parle de marché étranger, c'est assez comique de voir qu'il y a des entreprises qui vont dire spontanément, ben moi j'exporte pas, mais j'ai 85% de mon chiffre d'affaires aux États-Unis. Donc ça, c'est un discours qu'on peut entendre, ou à l'inverse, des entreprises qui sont très présentes à l'international, justement avec 85% des ventes à l'étranger, mais pas dans les autres marchés à l'international. Donc là, de plus en plus, on essaie d'intéresser nos entreprises d'ici à offrir les beaux produits qu'elles ont à l'ensemble des marchés. Donc, considérer, oui, bien sûr, les États-Unis, oui, bien sûr, la France, parce que souvent, on a une affinité culturelle, puis on c'est plus sécurisant d'aller en marché comme la France, parce que c'est en français, mais au-delà de ça, il peut y avoir des marchés dont la taille en termes d'unités à vendre et des marges bénéficiaires qu'on peut faire qui sont très intéressants, mais auxquels on ne pense pas spontanément. Donc, c'est vraiment de nous assurer que nos entreprises peuvent faire le maximum de profit dans un maximum de marchés possibles. Et j'imagine, en terminant, que le Québec étant un petit milieu, d'un côté, ça devient une nécessité dans bien des secteurs de s'internationaliser, mais de l'autre aussi, il ne faut pas sous-estimer non plus l'importance des assises socio-économiques de ces entreprises-là chez nous pour qu'ils puissent réussir justement leur mouvance vers l'international. Effectivement, donc ces assises-là doivent être fortes, les entreprises doivent avoir le soutien de leur communauté pour être solides, donc demeurer en réseau, de collaborer entre elles pour justement être beaucoup plus solides pour s'ouvrir vers l'étranger. Puis on peut penser entre autres au réseau d'approvisionnement. Donc, des entreprises du même secteur à l'échelle locale qui se joignent pour pouvoir s'approvisionner à l'étranger. Puis là, comme ça, on fait diminuer nos coûts, puis on peut augmenter nos bénéfices. Donc, il y a toutes sortes d'initiatives régionales comme ça qui peuvent avoir lieu, qui vont faire que l'ensemble des entreprises de la région vont en bénéficier pour pouvoir faire leurs ventes et mieux les réussir à l'étranger et en retirer plus de bénéfices. Et c'est un peu ce qu'on va explorer en votre compagnie, justement, dans le cadre du Carrefour numérique vendredi. Absolument. Bien, Sophie Veilleux, je le rappelle, donc, professeure au département de management de la Faculté des sciences de l'administration de l'Université Laval. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Et je rappelle, Michael, en fait, l'activité, si les gens veulent avoir un peu plus d'informations, donc c'est vendredi matin, donc 20 février, de 8h30 à 12h30, c'est à la salle 2320 du pavillon Kruger à l'Université Laval. L'entrée est libre et toutes les informations sont sur le site web de l'ITIS, donc on va au www.itis.ulaval.ca, donc Carrefour numérique sur l'innovation, la créativité ancrée dans nos territoires. Bien, merci beaucoup, Raymond. Ça me fait plaisir. On se retrouve lundi prochain. Sans faute.